Hey les gars, j'ai soif. Fais boire ton oreille. Quand ça? Tous les jeudis 22h. Où ça? À CKRL 89.1. Et qu'est-ce qu'on va boire? Du rock, du funk, la musique psychédélique. Aussi, dégustation de saveurs oubliées, sans oublier les prestations en direct. À CKRL, la radio dans découverte. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Vous écoutez CKRL 89.1. La radio des découvertes. De retour à Web Music, c'est Simon Roy qui est avec vous encore jusqu'à un petit bout encore. Donc, on poursuit l'émission Web Music avec un petit bloc techno à saveur un peu minimale. On va débuter avec Tita. C'est un artiste qui est sur l'étiquette italienne, l'excellente étiquette italienne Tony Music. Pour la suite, ben, je vous laisse aller sur ce petit bloc-là, puis je vous reviens pour la suite. Donc, pour tout de suite, Tita. Okay. We'll be right back. Donc, de retour, on avait un bloc à saveur techno-minimale. On avait entendu du Tita, du Sven Tasnadi. Il y avait un peu de Marco Furstenberg. Donc, c'est ça pour le bloc minimal. On va faire une courte pause, puis je vous reviens par la suite. Cette année, le 25e Festival de la chanson de Tadoussac met l'accent sur les découvertes et la relève. Avec Cire Pathétique, Alpha Rococo et Alexandre Béliard. Ici, le soleil ne brûle pas la peau. C'est plutôt le sel qui ronge les os. Des artistes prometteurs d'outre-mer tels Loïc Lantoine, Clément Bertrand et Mel. Visitez notre site internet au chansontadoussac.com et vous verrez que nous avons réuni une des plus belles cueillettes d'artistes, tout festival confondu. Quand je détraque, que je tique, que je suis pas traque et pathétique. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec. Le 25e Festival de la chanson de Tadoussac du 12 au 15 juin 2008. Informations et réservations à 866-861-4108. Une invitation de la bière Melgueule. J'ai mis feu à ces espoirs, j'ai allumé tous les pétards et la lumière du purgatoire. Saviez-vous que Vox passe l'été dans le quartier Saint-Roch à Québec pour vous présenter une émission? Une émission culturelle? Une émission d'affaires publiques? Une émission sportive? Une émission touristique, économique ou politique? C'est un peu de tout ça, avec une équipe de reporters, de chroniqueurs et d'invités issus de tous les horizons. Ne manquez pas Rue du Parvis à Vox du mardi au vendredi. Dès le 27 mai. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Vous écoutez CKRL, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, on va cette fois-ci se diriger vers un bloc de musique 8-bit ou plutôt d'inspiration 8-bit. Qu'est-ce que c'est le 8-bit? Ben, c'est de la musique faite à partir de vieux instruments, pas vraiment d'instruments, mais plutôt de consoles jeux vidéo comme le Nintendo. Donc, c'est des... On peut dire de la rétro-électronique. On va entendre, pour débuter, XOC, un artiste qui s'appelle Jason Cox, qui a le pseudonyme, XOC, donc qui reprend des pièces de Super Mario World. Vous connaissez sûrement ce jeu. Donc, il les reprend, mais façon instrumentale. Vous allez voir, c'est assez drôle. Je vous fais passer deux pièces. Puis ensuite de ça, je vous fais passer Spooge. C'est avec American Car versus German Cars. La pièce s'appelle Bucket of Snow. C'est encore là une reprise de Super Mario World. Donc, je vous laisse avec XOC. Thank you. front. Is it the bucket of snow? Damn straight. We're coming at you with a little spooge of wisdom. That's right. This is the man who would be king. Yo, yo, back up the foot doctor. And with a spooge. We're giving it out for the bucket. Yeah. Yeah, that's right. Ain't the box of worms. This is a bucket of snow. Are you ready to kick it, foot doctor? I'm ready for this. All right. The bucket, the bucket, the bucket, the bucket. The bucket of snow, it got magical powers. 1 minute it's snakes and the next it is flowers. 1 minute it's spaghetti and the next it is pie. I'm about to bust a little snowflake into your eye. The spoon to wisdom, the spoon to lies. The bucket of snow will make your penis rise or your panties drop. But open for a pop, the snow is the hip and the spoon is the high. The bucket of snow, it blows, center of energy surrounded by hose. Infusing the hose with radioactivity, but they don't get cancer, they just get busy. The snow, it glows and shows you the light. Sight a fight between your loved ones tonight. Like a personal trainer or an ounce of coke. You keep you lean, sip it up and watch it go and snow. Here's the bucket of snow. It's a bug, your computer is crashing. You're being hunted by Nazis. You're sucking real bad at this game of Yahtzee. We'll drink of the bucket and we shall be released. And stamp that ass with the mark of the beast. Scrooge dimensions where the players live. Eat snow, drink a piss, and play and sip. The time will have its day and the cat will mew. We do know the snowy happy few. Like Frederick Beachy said, God is dead. Cause the bucket of snow done hit him on the head. It turns concrete into fields of wheat. And turns your hands into additional feet. Yo, I call the bucket on my new cell phone. Tells me to come over and share a snow cone. Start leaking that shit like Janet Jackson's tip. About half the time it takes the fuck to pop it. Yes, the bucket of snow. Yes, the bucket of snow. You've got mail, suck a fat dick and drink some soy milk, bitch. The snow is nutritious and delicious. Dunk your donut in it, cause the spooge is about to get vicious. Like a barrel of cum shots, a bag of sperm. Add a part of taking rum shots, tequila and worm. Making hair gel out of fecal matter. Like Hamlet's dad, I'll have hurry into a Saturn. Physicists and therapists can't understand it, but all across the globe, the ladies demand it. The spooge on your face and go in your ear. So I'm the human race and crap in your beer. What caused the Big Bang? That was the bucket. Who produced the Wu-Tang? That was the bucket. Who shot JFK? That was the bucket. Who's dating Beyonce? What the crop circles for? Call the bucket. Who reaches the ball? It is the bucket. Want to fix a rack? Call on the bucket. Gotta smoke some crack with Roberta Flack. Yeah. Goddamn. Goddamn, motherfucker. We need that shit nice. Yo, hope we all explained that one for you. Yo, hope you heard us too, Balloon Master, whatever you is. Yeah, we're telling the Balloon Master, we're telling Shonen, we're telling Ill Mitch. We're out. 10465. To all the ladies and hooters. C'était la pièce Bucket of Snow par Spooge et American Cars vs. German Cars. C'était un petit cover de Super Mario World. Je pense que c'était le dernier tableau de Bowser ou quelque chose du genre. Puis avant ça, c'était aussi encore des covers de Super Mario World par l'artiste XOC. On poursuit avec encore un peu de musique 8-bit, cette fois-ci avec Corn Beast, qui nous offre une musique composée entièrement à partir d'un Game Boy. Vous vous souvenez, ces bons vieux Game Boy sur lesquels vous avez probablement déjà joué des heures et des heures à Tetris. Donc, il se sert de cette petite console de jeu portative pour faire la musique. Je vous fais entendre sa pièce Goons. Ça va être suivi par Disaster Piece, qui fait de la musique à tendance 8-bit, mais un peu aussi rock, peut-être même rock héroïque si on veut. Ça se trouve à être une fausse trame sonore pour un jeu vidéo. Donc, ça s'appelle, c'est du Disaster Piece. On commence tout de suite avec Corn Beast, la pièce Goons. We'll be right back. c'était Disaster Piece à l'émission Web Music. C'était précédé par Corn Beast, la pièce Goons, une pièce composée entièrement avec un Game Boy. Pour la suite de l'émission, il nous reste deux pièces avant la fin. On va entendre tout de suite Crystal Castle, la pièce Mother Knows Best. Crystal Castle qui va être au Festival d'été. Je vous invite à venir faire un tour. Je crois que ça va être assez spécial comme concert. Ensuite de ça, on va entendre Null Sleep qui interprète la pièce The Model, une pièce qui était composée à l'origine par Kraftwerk, donc une reprise 8 bits. On écoute tout de suite Crystal Castle. Yeah. burgers to my product blue. Every camera to get the best she can. I saw her on the cover of a magazine. Now she's looking success, I want to meet her again. C'était Null Sleep avec sa reprise de Kraftwerk de la pièce The Model. C'était précédé par Crystal Castle qui vont être au Festival d'été, je vous le rappelle. C'était la pièce Mother Knows Best. C'est déjà tout pour Web Music. C'est la dernière émission de la saison automne-hiver. Je vais vous revenir dimanche prochain à compter de 20h. Ça va être... un web musique allégé pour l'été, ça va durer une heure, donc de 20h à 21h. Je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous souhaite de la bonne musique sur nos ondes, plein de découvertes, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avant de partir, je vous rappelle que ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben, c'est possible dans la plupart des cas de télécharger les pièces gratuitement. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc là, c'est vrai. Je vous souhaite une bonne semaine. Ici Raymond Poirier. Du lundi au vendredi, avant 9h, tout est possible. Actualité, société, culture et plus encore. Performances en direct, entrevues aux multiples saveurs, regard neuf sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, rencontres avec des collaborateurs dynamiques. Non, vraiment, on parle de tout. De l'économie à la politique, en passant par le théâtre, la musique et des dégustations de vin, de whisky. Tout ça et plus encore au plus matinal des retours. Avant 9h, tout est possible. Votre réveil à l'antenne de CKRL de 7h à 9h. Écoute, hein. M'en vais au travail et le pont est jamais, mais mon ami dans mon pare-brise jette le soleil. Qui revient toujours un moment donné. Le soleil. Qui fait qu'on a les yeux tout plissés. Le soleil. Qui fait qu'on a toutes les dents séchées. Le soleil. Qui fait que les femmes s'habillent à moitié. Le soleil. Qui joue dans tous les films d'Hollywood. Le soleil. Qui dit qu'il nous échauffe les foufous. Le soleil. Qui se couche toujours tout seul au boy. Le soleil. Ou est abonné à Playboy. Le soleil. Est-ce qu'on est prêt à payer 2000 piastres pour aller le voir à l'autre place. Le soleil. Vous écoutez CKRL, votre radio indépendante, diversifiée et humaine.